Mardi 4 février, bienvenue à l'aérospatiale, cette émission consacrée à l'univers des arts visuels. Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30. Aujourd'hui, on fait un tour dans les grands musées de la capitale puisqu'on discute avec Lydia Bouchard, conservatrice au Musée de la Civilisation, qui viendra nous présenter l'exposition Haïti in Extremis, donc une exposition qui se penche sur la vie et la mort dans l'art haïtien des 10 dernières années. Également, Jean-Tienne Lafrance viendra nous parler de l'exposition à Morgan Bridge, Olivier Dufour, Exploration picturale 1, qui est présentée jusqu'au 5 février, donc jusqu'en fin de semaine. Et puis, on s'entretient avec Lynn Ouellette, qui est directrice générale du Musée national des beaux-arts du Québec. Vous savez, la semaine dernière, on vous annonçait que Fernand Leduc est décédé. Et bien, je me suis dit, Fernand Leduc étant un pilier quand même de l'art moderne au Québec, on peut pas parler de l'art des 60 dernières années sans nécessairement l'aborder. Mais dans ce cas-là, on parlera de son importance. Également aussi, il y aura une salle d'exposition permanente qui lui sera consacré qui ouvrira ses portes le 20 février. Donc, on discutera un peu de tout ça. Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse et le tout, comme à l'habitude, ponctué par les suggestions audio de Simon Roy. Bonsoir. Bonsoir. Simon, cette semaine, on se penche du côté de l'Amérique latine ou de l'Espagne? C'est de l'Espagne, c'est de plus précisément de la grande île Canaries, dans l'archipel des îles Canaries. C'est un album inspiré d'un site archéologique. L'artiste, c'est Paco Rosique. C'est un artiste qui, œuvre depuis une vingtaine d'années. C'est un peintre, sculpteur, illustrateur. Il couvre presque tous les arts à lui seul. Il fait aussi beaucoup d'art audio. Donc, c'est un gars qui, ça fait un bout de temps, qui est bourlingue. Donc, comme je disais, c'est inspiré d'un site archéologique sur l'île Grande Canarie. C'est un réseau de grottes. C'est 350 grottes qui ont été creusées à même la montagne. Puis, ça servait anciennement pour entreposer des grains. Donc, avec ça, c'est une genre de chambre d'écho magnifique. Il s'est inspiré du site pour produire sa musique. La plupart des enregistrements proviennent directement du site archéologique. Okay. Puis, ça a été retravaillé en studio. Donc, un album vraiment différent. C'est rare qu'on s'inspire de sites comme ça pour produire des albums. Voilà, mais tu nous donnes hâte d'en entendre. Simon, on va y aller de ce pas. Nous, on t'entend à Web Musique dimanche soir. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, sur les ondes de CKRL, on écoute un extrait de la pièce « Cueva y Catedral ». C'est un extrait de l'album Caves de Paco Rosique, une suggestion de Simon Roy. Vous pouvez trouver tout ça sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Tout, à peu près tout, l'émission est disponible sur le site également, les communiqués du domaine des arts visuels. Et parlant de communiqués et de site Internet, j'ai devant moi Raymond Poirier. Bonsoir. Bonsoir, Julie. C'est l'heure de ta revue de presse. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais des bonnes nouvelles pour certains artistes québécois en matière de participation à des événements internationaux, notamment pour le collectif d'artistes formé de Jasmin Germain Bilodeau, Sébastien Giguère et Nicolas Laverdière, BGL. Alors, on a appris donc un peu plus tôt la semaine dernière qu'il représenterait le Canada à la prestigieuse 56e exposition internationale d'art de la Biennale de Venise en Italie. Donc, ça aura lieu en 2015. Un choix qui a été annoncé par le Musée des Beaux-Arts du Canada au nom d'un jury qui était composé d'éminents spécialistes de l'art contemporain canadien. Alors, il faut dire, en fait, on le rappelle que c'est la seule exposition internationale d'art visuel à compter le Canada parmi ses participants officiels. Ah ouais? La Biennale de Venise, qui est une des plus prestigieuses manifestations d'art contemporain au monde. Alors, on parle d'une exposition qui sera présentée du 9 mai au 22 novembre 2015 au pavillon du Canada. Et tout ça dans un contexte, là, exemple, au cours de la dernière décennie, il y a eu des sculptures, installations, techniques mixtes qui ont progressivement retenu l'attention de la critique là-bas. Et évidemment, ce qui a amené le jury à faire le choix de BGL, ben, c'est leur action, donc la diversité des matériaux utilisés, l'approche manuelle artisanale, des œuvres qui sont autant autonomes que des sculptures autonomes que des vastes décors. On parle, en fait, je cite, d'un moment stimulant pour BGL dont la force esthétique est de plus en plus reconnue. Que ça, c'est le directeur général du Musée des Beaux-Arts du Canada. Il s'est dit convaincu d'ailleurs que le public international partagera le même enthousiasme que leur œuvre suscite chez les Canadiens. Eh bien, félicitations à eux. C'est une bonne nouvelle. En plus, oui. Je crois il y a 2 ans, là, c'était Raphaël de Groot qui représentait le Canada à la même biennale. Donc, faut croire que l'art québécois a le vent dans les voiles. Exactement. Et parlant d'autres Québécois qui participent à des événements internationaux, il y a la rencontre internationale Paris-Berlin-Madrid qui ont annoncé leur programmation. Donc, ça se déroule à Paris du 24 février au 2 mars prochain. On parle donc de Myriam Yates, une artiste vidéo qui va présenter son œuvre Rehearsal, donc des films en 16 mm, grand format et autres, qui mettent de l'avant la spatialité par les sujets abordés ou par la mise en espace dans le lieu même de l'exposition. Il y a Thomas Knobuler, également artiste vidéo, qui réalise, lui, des séries de paysages urbains, des portraits ou des scènes de rue, en s'intéressant aux questions de la société et à la façon dont la technologie affecte nos vies. Et enfin, Pascal Grandmaison, qui, lui, est un artiste actif depuis 2000, dont les œuvres ont été présentées dans plusieurs événements, là, ici comme ailleurs. Alors, ça, c'est l'événement, donc, les rencontres internationales Paris, ouais. Berlin, Madrid. Sinon, on va du côté de Montréal, des nouvelles du musée d'art contemporain là-bas, qui, on en avait parlé déjà un peu, il y avait un projet d'expansion qui avait été proposé, qui avait été refusé. Donc là, ils sont retournés à la table des saints, sont arrivés avec un nouveau plan d'expansion pour un peu moins cher, donc 45 millions de dollars pour augmenter la taille des espaces d'exposition. Un projet 2 fois moins coûteux que celui dont on avait parlé il y a 2 ans. Un projet qui a été accepté par le gouvernement québécois, qui va injecter 18,5 millions de dollars pour réaliser ce projet. La même somme va être versée également par le gouvernement fédéral. Alors, tout est essentiellement réglé et il y aura évidemment par la suite d'autres fonds privés qui viendront compléter la somme. Alors donc, on verra si effectivement, s'il y aura par la suite instance, incidence, impact positif, favorable sur la fréquentation de l'institution. Donc, encore dans notre pile de dossiers à suivre parce que d'ici à sa construction, il y a le temps de se passer bien des choses. Oh oui! Sinon, deux petits dossiers pour terminer, auxquels j'invite les gens à se référer directement. Là, je vais juste présenter quelques grandes lignes. Donc, on va mettre les liens évidemment sur le blog l'aérospatiale.wordpress.com. Alors, notamment, Canadian Art qui propose une espèce de regard sur les manières par lesquelles le Canada pourrait combattre le vol d'œuvres d'art ou la création d'œuvres frauduleuses. On dit notamment que le Canada a le potentiel d'être donc un pipeline pour les marchandises illicites. Donc, il faut le savoir. Il faut pas se penser à l'abri de ça. Il recommande au gouvernement de former justement une escouade dédiée et former surtout pour justement freiner un peu l'action de ces réseaux-là au pays. On propose également de créer une banque d'œuvres d'art volées au Canada, donc auxquelles les musées, les acheteurs, les collectionneurs pourraient se référer. On propose également de forcer les galeries ou d'amener les galeries à mieux faire des évaluations sur les œuvres qu'ils vendent, donc pour s'assurer justement de ne pas être floués. Et on invite également les acheteurs à mieux se former et mieux essayer d'analyser la crédibilité des vendeurs auxquels ils font affaire, et pas simplement des maisons d'enchères, par exemple, mais des vendeurs eux-mêmes avec qui les maisons d'enchères font affaire. Donc, c'est les grandes lignes, évidemment. C'est à souhaiter que ces changements-là soient apportés. Et sinon, autre dossier, c'est dans le Figaro, c'est une réflexion sur les musées français et sur le nouvel art, en fait, de gérer les musées. On essaie de mettre de l'avant différentes nouvelles approches par lesquelles les directeurs généraux sont obligés de passer pour essayer justement de bonifier un peu leur action. Parce que ça brasse là, dans les musées français, là, depuis que tu fais des revues de presse, en fait, à l'aérospatiale, on en parle régulièrement. Il y a beaucoup de coupes là-bas, et c'est un peu la même chose d'ailleurs dans d'autres pays, évidemment. Donc, essentiellement, ce qu'on dit, c'est deux éléments qui en ressortent le plus. L'importance grandissante du réseautage, donc pour les musées, de travailler conjointement pour partager des frais de montage exposition, pour partager des œuvres, etc., etc. On parle aussi d'une dépendance de plus en plus grande à ce qu'on appelle les blockbusters, donc des expositions qui vont servir de moteur ensuite pour le reste de la saison. Donc, on dit que de plus en plus, on ne peut pas passer à côté. Donc, c'est deux des éléments qui ressortent de plusieurs autres qui sont mis en exergue là, au fil de cette publication. Et voilà, les liens, Raymond, pour la revue de presse seront ou sont déjà sur le site de l'Aérospatiale. Seront dans les prochaines secondes. Voilà, t'attends juste de terminer ta chronique pour peser sur le bouton. Hein? T'es très, très fiable. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Vendredi à la vie en BD, t'es de retour après un séjour à Angoulême. Oui, et on va faire un petit... Le temps qu'on se remette d'Angoulême, avant d'aborder tout ça, on va faire un petit historique des éditions Papa, donc une belle rencontre avec leur éditeur Luc Bossé. Voilà. Donc, de notre côté, on s'en va en pause de dire. On écoute un extrait de la pièce d'Ibujo et Irène Riet. Voilà, on est de retour à l'aérospatiale et avec nous, j'accueille la directrice générale du Musée national des beaux-arts du Québec, Lynn Ouellette. Bonsoir. Bonsoir. Madame Ouellette, je vous invite aujourd'hui à l'émission parce que la semaine dernière, on apprenait le décès de Fernand Leduc à l'âge quand même vénérable de 97 ans. 97 ans, c'est toute une vie de production et c'est un artiste aussi qui a beaucoup marqué le Québec. Donc, j'avais envie de parler avec vous un peu de son importance dans l'art québécois. Vous l'avez connu, vous, personnellement. Il me semble, hein? Oui, en effet, j'ai eu la chance de rencontrer M. Leduc dans le cadre de la préparation d'une rétrospective qui a eu lieu ici au Musée national des beaux-arts du Québec en 2006. Et donc, j'ai côtoyé M. Leduc à Paris dans son atelier pour, je dirais, regarder l'ensemble de son œuvre et faire cette sélection que nous avons présentée, qui était une grande rétrospective en 2006. Oui. Donc, je peux vous dire que ce sont des occasions assez privilégiées. Et Fernand Leduc, en fait, bon, si on retourne aux racines, là, on le connaît tout d'abord comme étant un artiste automatiste, un des signataires du Refus Global. Oui, en effet, on connaît très bien M. Bordua, on connaît M. Riopel comme signataire du Refus Global, mais on connaît un petit peu moins peut-être la contribution de Fernand Leduc, qui était quelqu'un aussi qui non seulement a participé au Refus Global dans sa pratique artistique, mais il a participé en termes de réflexion aussi. Donc Fernand est un de ceux qui a été écrit un texte dans le manifeste lui-même. Et donc cette capacité qu'il a de réfléchir à son travail l'a toujours distingué, et en fait un artiste qui a beaucoup de profondeur. Et donc ce qui est bien dans le cas de Fernand, qui a traversé le siècle, hein, comme vous l'avez compris, ouais. 97 ans, c'est qu'il a beaucoup réfléchi à cette contribution d'artiste et ce rapport de l'art et de la vie, et il l'a réfléchi à travers de nombreux textes et énormément aussi de d'audiovisuels, donc qui ont été faits de films sur lui. Donc ça, je pense que c'est une belle richesse qu'on a de tous ces témoignages et de cette réflexion de M. Leduc. Et parlant de témoignages, de réflexions, c'était quand même assez un grand pédagogue, hein. Il me semble que je crois qu'il a enseigné, je crois aussi qu'il aimait beaucoup, beaucoup discuter avec les gens. Je pense justement, je sais pas si c'était en 2006 ou en 97-98, il se plaçait dans la salle d'exposition au Musée national des Beaux-Arts et il discutait avec les gens dans la salle. Oui, en effet. Fernand est quelqu'un de très accessible. En même temps, quelqu'un de qui s'exprime extrêmement clairement, avec beaucoup de précision, une grande clarté d'esprit. Et donc, c'est ce qui fait aussi qu'il était pédagogue, hein. Il avait beaucoup de facilité à parler de son œuvre. Donc, une œuvre qui est quand même une œuvre qui est passée donc de cette matière très gestuelle qui est l'automatisme à quelque chose qui est vraiment peut-être un petit peu plus difficile d'esquiver, qui sont ces grands champs colorés. Oui. Mais il avait une façon d'en parler qui nous faisait totalement vibrer, comme ces tableaux nous font vibrer. Alors, il savait très bien communiquer son œuvre, en effet. C'est un grand pédagogue et il a d'ailleurs enseigné autant à Montréal qu'à Québec pendant quelques années. Ce qui est fascinant, en fait, vous avez parlé justement de son travail plus gestuel, ensuite de ses champs colorés. En préparant mon entrevue tout à l'heure, en me documentant sur lui, je me disais qu'il s'est tout d'abord intéressé aux gestes, ensuite à la ligne, au volume, finalement à la couleur et à la lumière, comme si toute sa vie, son travail s'était un peu épuré. Oui, vous avez pas tort de le dire, effectivement. Bon, je pense que Fernand a participé à toutes ces révolutions-là. Hein. Il faut pas l'oublier que l'automatisme était une révolution majeure. Oui. On est dans les années 40 au Québec et ce qui se pratique ici est un académisme assez puissant encore, basé sur la figuration. Alors là, évidemment, ce que c'est l'automatisme, hein, c'est cette expression des pulsions intérieures, donc c'est des mouvements c'est-à-dire ce sont des œuvres qui sont très écrites avec des mouvements très spontanés, donc ce sont des jets de peinture avec une vraie matière. Et il va passer ensuite à ce qu'on appelle beaucoup plus l'abstraction géométrique, donc oui. Avec toute l'utilisation des formes, des volumes, et là, on rentre vraiment dans le champ du tableau, et là, effectivement, il va continuer d'épurer parce que ces formes vont disparaître au profit d'aplats lumineux qui sont carrément des champs vibratoires de lumière. Et Fernand était ce qu'on appelle un petit peu aussi, entre guillemets, un impressionniste, puisqu'il s'inspirait beaucoup des lumières des lieux où il travaillait. Ouais. Alors, il a travaillé, entre autres, dans le près de Chartres, donc dans les endroits où il était assez gris. Alors, il a fait des œuvres dans ces tonalités-là qui sont assez extraordinaires, mais il a aussi eu une résidence plus tard du côté de l'Italie. Et il a aussi exploré ces lumières très chaudes, très riches, de la côte de Carrare. Donc, je pense que de ce côté-là, il a effectivement travaillé dans un grand dépouillement, mais toujours en lien avec l'expérience de la lumière et du lieu. Mais ça, je dirais, dans le champ unique qui est offert par un tableau. D'ailleurs, vous avez, je crois, c'est en entrevue à Radio-Canada, vous disiez que vous lui avez parlé de ça en disant, mais dans le fond, vous êtes un paysagiste. Et il avait acquiescé à ce constat. Absolument, en effet. Et ça, c'est jamais évident quand on arrive avec des interprétations comme ça, surtout avec des artistes qui sont en quelque part des monuments. Hein. Et il dit, mais oui, vous avez raison, Madame Ouellette, je suis un paysagiste, mais un paysagiste de lumière. Alors, et je pense qu'on a une super belle occasion puisque Fernand, en 2006, a fait une promesse de don d'une quarantaine d'œuvres au musée. Et le Musée national des beaux-arts se trouve avoir la collection de référence de cet artiste. Oui, la collection de référence, c'est quand on a à peu près toutes les périodes bien représentées avec des œuvres majeures. Donc, c'est le cas du musée. Et ça nous permet de pouvoir rendre un magnifique hommage à M. le Duc grâce à une salle qui lui sera consacrée et qui ouvrira dès le 20 février avec trois autres salles consacrées à des figures majeures de l'art moderne au Québec, M. Riopelle, M. Lemieux et M. Pellan. Donc, je pense que ce sera une occasion assez intéressante et unique de venir voir toute l'évolution de ce langage et la contribution de cet artiste majeur qui est Fernand Le Duc. Et d'ailleurs, Fernand Le Duc savait qu'il aurait cette salle permanente-là. Comment il prenait ça? Est-ce qu'il voyait ça comme un bel hommage, comme une récompense de fin de carrière? Ou, Écoutez, il était absolument heureux. Monsieur le Duc est quelqu'un qui était très, je dirais, détaché quand même, hein, rendu à cet âge-là. Sauf qu'il était parfaitement conscient de la signification pour un artiste de se retrouver dans une collection permanente comme celle du Musée national des beaux-arts du Québec et de s'y retrouver en place de choix dans une salle qui lui est consacrée. C'est un homme qui avait la pleine conscience de la signification d'un tel geste et aussi, bien sûr, de savoir de figurer aussi avec trois de ses collègues qui sont M. Lemieux, M. Pellan et M. Riopelle. Alors, ça lui faisait chaud au cœur et plus encore, il a pu voir même la maquette de la salle. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on travaille, hein, quand on accroche, avant d'accrocher les œuvres, on y réfléchit, puis on fait les œuvres en tout petit, dans la salle qui est en tout petit, puis on appelle ça une maquette, et puis, évidemment, on a pu aller lui montrer. Et on a même des vues qu'on génère sur le plan numérique pour qu'il puisse voir chacune des élévations. Donc, et notre scénographe Jean Hazel, qui est bien connu à Québec, et notre directeur des collections, Paul Bourassa, ont pu lui montrer. Et il en était ravi. Il a reconnu à quel point c'était une mise en espace qui était en harmonie avec sa recherche plastique. Donc, oui. Ça, c'est un beau compliment. Parce que j'ai lu, il me semble, que la mise en espace, justement, s'inspire un peu du travail de Malevitch. Oui, effectivement. Donc, vous allez voir, le carré est très important. Le carré, il y a un carré qui est un grand carré vidé dans lequel on va pouvoir contempler les œuvres. Il y a un carré qui est plein, qui, lui, contient des œuvres à l'extérieur. Et bien sûr, c'est toutes ces références au carré blanc sur fond noir de Malevitch, donc qui est un grand artiste moderne qui a bien sûr inspiré tous les grands abstraits qui a inspiré aussi M. Le Duc. D'ailleurs, bon, vous parlez des grands abstraits, j'ai envie peut-être de revenir un peu, on disait que Fernand Le Duc était automatiste à ses débuts, mais quand même assez rapidement, il va se détacher de l'automatisme, il va vraiment avoir une rupture idéologique avec les principes de l'automatisme. Qu'est-ce qui a guidé un peu cette transformation-là dans sa réflexion? Écoutez, on est là, il faut se situer au milieu du siècle. Hein. C'est une espèce de grand mouvement. On vient de terminer la Deuxième Guerre mondiale. C'est une explosion des avant-gardes. L'art se libère. Là, on retrouve les conditions sont encore très difficiles. Monsieur le Duc va d'ailleurs quitter à Paris et il va arriver juste après la guerre. Et donc, ils sont soumis à une grande multitude d'influences. Hein. Et à cette époque-là, Monsieur le Duc voit beaucoup de travail qui se fait et il est prêt à carrément basculer vers ce qu'on appelle l'abstraction, puisque là, il était le travail de automatisme, ils sont plus dans la non-figuration, parce qu'il y a quand même une expression du rêve, une expression de la spontanéité, il y a quelque chose qui est d'une relation entre, la personne et l'œuvre, donc il y a une intention très intérieure qui est figurative, je dirais. Et quand on bascule dans l'abstraction pure, comme il l'a fait avec, bien sûr, l'abstraction géométrique, là, vraiment, on affirme la planéité du tableau et on affirme que tout ce avec quoi on va travailler, ce sont des éléments de la peinture. Ouais. Donc, entre autres, la géométrie qui, toutes les formes géométriques qui, elles, permettent effectivement de je dirais, désensibilisé d'une certaine façon la pratique, là. Alors, c'est là qu'il a basculé de ce côté-là. Et puis, à cette époque-là, les discussions étaient très ouvertes en groupe et très fermes et très affirmées. Donc, c'est l'époque des manifestes. Hein? Ouais. Alors, aujourd'hui, on peut pas imaginer ça parce que, au fond, tout est toléré et les pratiques sont tellement multiples. Hein? On oublie cette situation-là où, en plus, à cette époque-là, c'était des avant-gardes qui étaient en rupture. Hein? Donc, à chaque pas qu'il faisait, c'était mal reçu, c'était inquiétant. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle il travaillait de façon aussi, je dirais, groupée et souvent par des déclarations. Alors qu'aujourd'hui, la pratique artistique, c'est quelque chose qui est complètement accepté et il y a une immense pluralité de pratiques et on oublie un peu cette vision-là et cette scène qui existait dans les années 40-50 au Québec et qui était tout autrement. Et voilà, ben Lynn Ouellet, directrice générale du Musée national des beaux-arts du Québec, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Donc, on aura certainement l'occasion de rediscuter là, de cette salle permanente dédiée à Fernand Leduc et aux autres grands maîtres de l'art québécois ultérieurement, à l'aérospatiale. On fait une pause, au retour, on discute avec Jean-Tienne Lafrance. Wanna go live under the winter sky. Oh, Lord, yeah. Oh, then mother, you ought to been there. Oh, mother, you ought to been there. Mother, you ought to been there. Wanna go live under the winter sky. Vous écoutez CKRL 89.1. Québec. Du 5 février au 2 mars, c'est la 15e édition du Mois Multi. Un électrisant programme vous transportera durant ces 27 journées de festivités. Spectacles multidisciplinaires, performances sonores et lumineuses, danse, arts électroniques, installations robotiques, sonores et interactives, cabaret multi et bien plus. Plus d'une centaine d'artistes d'ici et de l'étranger vous invitent à cette rencontre multidisciplinaire unique. Le Mois Multi, du 5 février au 2 mars, à la coopérative Méduse et chez plusieurs partenaires. MoisMulti.org. Une publicité artisanale pour des bières artisanales. Ma sœur, regardez, le petit Jésus semble vouloir nous parler. Ah, oh ben, c'est le bon Dieu en personne. Mes brebis, mes enfants, auriez-vous avec vous une barre à clous? Ben, voyons, mais pour que c'est faire, mon pour Jésus? Pour pouvoir descendre de ma croix et enfin pouvoir boire une bonne bière. Si telle est votre volonté, Seigneur. Brasserie artisanale La Korrigan, 380 Dorchester, dans la paroisse de Québec. Quoi de mieux que de faire la différence dans la vie de quelqu'un? Le Centre de parrainage civique de Québec est à la recherche de bénévoles désirant développer une relation d'entraide et d'amitié avec une personne vivant certaines incapacités. Pour quelques heures de temps libre par semaine, vous pourrez faire de belles activités en compagnie d'une personne filleule. En devenant parrain ou marraine civique, vous l'aiderez à briser son isolement. Informez-vous au 527-80-97 ou au cpcq.ca. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat au Centre de Yoga de Québec, 1355 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Il est 18h, on est de retour à l'aérospatiale. Pardon, j'ai échappé mes écouteurs, ça fait un petit bruit sur le micro. J'accueille à l'instant Jean-Tienne Lafrance. Bonsoir, Jean-Tienne. Bonsoir Julie. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Dis-moi, Jean-Tiane, t'es allée faire un tour à Morgan Bridge? Oui, je suis allée voir l'exposition d'Olivier Moisan Dufour, donc qui se nomme Exploration picturale 1. C'est assez intéressant. Je trouve que c'est un titre qui va bien avec l'exposition parce que l'exposition ne se trouve pas à être une série ou un ensemble cohérent, mais on voit des pistes que l'artiste a explorées en peinture. En fait, Olivier Moisan Dufour est graffiteur, muraliste très prolifique. Il a fait beaucoup de projets à Québec et un peu partout dans le monde. Et puis là, ce qu'il nous présente dans cette exposition-là, c'est sa production de Chevalet. Sa production des 2-3 dernières années. Une production moins prolifique, je dirais, mais tout autant intéressante. Donc, on a dans la vitrine, par exemple, une œuvre qui d'emblée donne le ton un peu de beaucoup de d'œuvres dans l'exposition. Donc, on a un personnage avec plusieurs bouches, plusieurs yeux, des bras qui se multiplient, plusieurs mains, dont une main qui a une canette de peinture. C'est un personnage qui se détache sur un fond de mer, donc la plage, la mer avec un palmier et un bateau. Un bateau à sec et le bateau est recouvert de graffiti. Donc dans ces peintures, dans ces tableaux, l'artiste explore évidemment cette esthétique du graffiti qui provient de sa pratique de graffiteur, mais il s'en détache aussi. Puis on retrouve beaucoup ces personnages typiques, donc avec de multiples bras, de multiples oreilles, de multiples yeux, comme si l'artiste et construisait sa propre mythologie. On dit des personnages un peu fantastiques qui vont rappeler un peu certains masques ou certaines représentations de divinités de traditions d'Amérique latine ou d'Afrique. Donc c'est une production qui est très imprégnée par les voyages d'Olivier Moisan Dufour, qui a voyagé un peu partout en Amérique latine beaucoup, mais en Afrique aussi, en Europe. Et puis on le sent beaucoup dans ses œuvres, puis c'est le fil conducteur, je dirais, de l'exposition. Et puis donc on sent une espèce de chaleur. Il utilise beaucoup des teintes de terre, des teintes, donc on sent une chaleur dans la lumière de ses tableaux, donc qui est très très loin de la lumière nordique qu'on connaît ici. Donc on va reconnaître que c'est pas des représentations de territoire québécois, mais c'est vraiment plus dans l'ailleurs. Ces personnages sont à la fois humoristiques et inquiétants, donc ils font un peu peur avec des gros yeux ronds, des bouches pleines de dents, des grimaces, parfois les personnages qui se dévorent les uns les autres, des mises en scène où ces figures-là sont un peu intriquées les unes dans les autres, un peu confus, un peu très fantastique aussi. Une esthétique qui va tirer beaucoup dans la bande dessinée, la caricature, le graffiti, donc des traits très stylisé, comme je parlais tout à l'heure des masques traditionnels, donc des traits très stylisés, des lignes très prononcées avec un style qui va parfois faire penser au début du cubisme, par exemple. Avec des traits anguleux. Donc, une influence vraiment d'un art qu'on appelait à l'époque plus primitif. Donc, cette schématisation-là, tu parlais tout à l'heure des masques africains, mais tu sais, des fois, il y en a qui font vraiment peur. Tu vas pas voir une exposition de masques africains avec un enfant. Exactement. Donc, on retrouve un peu ce côté qui se rapporte au primitivisme du début du cubisme, de ces influences-là qui ont influencé les avant-gardes en Europe. Donc, c'est vraiment Olivier Moisan Dufour s'imprègne de ses voyages, de ses découvertes, de ses paysages, de ses personnages caricaturaux qu'il peut retrouver dans les arts traditionnels d'ailleurs. Ces personnages-là, comme je disais, avec des traits très anguleux, très stylisés, vont se détacher souvent sur des fonds de paysages ruraux, de paysages urbains, des paysages ruraux qui vont apporter un contraste par rapport à ces traits très forts des personnages. Donc, une technique picturale, souvent beaucoup plus floue, plus douce, avec des nuances, avec des dégradés. Donc, un travail très, très raffiné de coloriste aussi plus, qu'on retrouve. Plus classique, oui, en fait. Oui, plus classique, mais aussi qui les couleurs qui s'étendent les unes dans les autres. Et puis, comme je disais, on découvre les lumières du sud, des teintes des tons de terre, des tons beaucoup plus chaudes, de l'oranger, de l'ocre. On a aussi beaucoup de verts très profonds, des bleus. Les bleus des ciels aussi sont magnifiques. Les carnations aussi sont beaucoup plus foncées. Hein, c'est des peaux brûlées par le soleil. Et puis, donc, il y a quelque chose de très exotique dans l'exposition. On est transporté aussi, pas seulement dans l'ailleurs, sur la Terre, mais aussi dans un univers fantastique, un univers onirique. Donc c'est pas toujours très très réaliste. On a des personnages qui flottent avec une vue en plongée sur des paysages vallonnés, avec des petites parcelles d'agriculture, donc des espèces de ruines, des choses comme ça. Donc on est vraiment très très inspiré par l'Amérique latine. Et puis, on a, par exemple, un tableau qui va représenter une espèce de bateau qui vole dans le ciel, qui surplombe un territoire agraire, un territoire rural. Et puis, le bateau, il est comme surchargé d'un amoncellement de personnages, de gratte-ciel. Ces représentations urbaines aussi sont beaucoup plus anguleuses, avec des gratte-ciels qui vont en grandissant, des choses comme ça. Et puis, on a aussi deux toiles très, très différentes du reste, deux très, très grandes toiles à l'horizontale qui se rapprochent plus du dessin d'observation, de la peinture d'observation, donc quelque chose de plus contemplatif, de plus réaliste aussi, oui. Avec des teintes beaucoup, beaucoup plus claires. Donc, on a... dans ces deux représentations-là. Donc, on a des toiles où il y a beaucoup plus de blanc, où la présence de la toile est beaucoup plus là, donc du canevas, dans le fond. Hein. Et puis, donc, des paysages marins avec des bateaux qui vont vraiment être très différentes du reste de la production qu'on voit. Et puis, c'est assez vrai que ça offre un contraste quand même assez fort. Là, j'ai pas visité l'exposition, oui. Je regarde les photographies que tu as prises, et effectivement, là, il y a vraiment plusieurs styles. Et dans ce cas-là, là, je pense au bateau, par exemple, oui. Là, c'est quand même... d'un réalisme en fait plus fort, à tout moins de ce que je vois là. Oui, on a vraiment l'impression qu'il a été là, qu'il a observé, qu'il a peint ce qu'il a observé. Et donc c'est vraiment ce que l'artiste nous offre dans cette exposition là, c'est vraiment une exploration picturale, hein, puis c'est exploration picturale 1. Ouais, c'est ça, il y a à venir. Oui, donc il y a une suite à venir, puis on a hâte de voir la suite parce que il y a des essais qui sont, ma foi, très intéressants, et puis un très beau contrôle de la peinture avec des dégoulinures, du lavis, des belles expérimentations Olivier Moisan Dufour commence, je crois, un bac en arts visuels à l'Université Laval. Donc, il est encore en phase d'exploration, et puis on a vraiment de voir ce qui va s'en suivre. Quelles avenues, en fait, tu sais, comme tu sembles avoir... de déceler des choses très intéressantes. Est-ce qu'il va continuer dans cette voie-là, ou c'est plutôt autre chose que lui va retenir? Oui, exactement. Et puis, donc, c'est ça, c'est de partir aussi de sa démarche de graffiteur, de muraliste est très prolifique et très assumée. Et puis, on voit ici, dans ses tableaux, des pistes qui se dessinent, qui annoncent quelque chose de très intéressant. Et puis... Donc, c'est présenté jusqu'au 9 février. Oui, il reste donc, encore quelques en fait jours. C'est en fin de semaine que ça se termine. Il reste encore quelques jours pour aller voir ça sur la rue du Pont à Morgan Bridge. Voilà. Et puis, Olivier Moisan Dufour est un nom, donc, à surveiller. Probablement qu'on va entendre parler encore de lui dans un avenir à court, moyen, long terme. Tout à fait, j'en suis certaine. Et puis maintenant, je change de chapeau. Ah oui? Donc, j'enlève mon chapeau de chroniqueuse pour mettre celui de membre et employé de Vue. Oui. Et puis, c'est pour inviter les gens à venir voir l'exposition de Mika Goodfriend qui est présentée actuellement à Vue et l'exposition d'André Barrette et Tristan Fortin-Le Breton. Donc, deux expositions de photographie, évidemment. Mika Goodfriend qui nous présente des photos qu'il a prises dans un parc de maisons mobiles en Floride. Ouais, assez particulier, hein, cet univers-là. Là, il pose un regard anthropologique sur cet univers-là qui... C'est assez stupéfiant. C'est assez humoristique, mais en même temps très respectueux, puis quelque chose de triste en même temps. Moi, j'aime utiliser le terme aigre doux pour parler de son approche, une approche documentaire très très léchée. Et puis aussi, André Barrette et Tristan Fortin Le Breton qui présentent en fait une exposition qui avait été présentée à Montréal dans le cadre des rencontres culturelles. André Barrette qui présente une exposition où il a pris des photographies de ces banderoles portées par les avions, donc sur la côte est de la Nouvelle-Angleterre, donc sur la côte de la Nouvelle-Angleterre, ces avions qui font des publicités pour les restaurants, des choses comme ça. Donc un regard assez humoristique aussi, des clins d'œil et puis un recadrage dans les photographies qui va chercher le grain de la photographie. Tristan Fortin-Le Breton, lui, qui a fait une exploration autour de ces nouveaux centres d'achat, les Power Center, comme on dit en français, donc de ces lieux un peu non occupés, de ces non-lieux, des non-lieux. Qu'on pourrait dire, donc à la chambre, donc des photographies qu'il a pris dans les stationnements, dans les terrains vagues autour de ces centres d'achat là. Donc une critique un peu, si on veut, de la consommation du côté des deux artistes, mais avec un point de vue très différent. Voilà, ben Jean-Tienne La France, merci beaucoup. On se revoit dans plus ou moins un mois. Là, on n'a pas la date précise, mais on saura bien se revoir bientôt. On fait une pause audio, on écoute Lentamente Geometrica. Thank you. Voilà, c'était un extrait de l'album Caves de Paco Rosiquet, une suggestion de Simon Roy. Je vous invite encore une fois à aller sur notre site l'aérospatiale.wordpress.com. L'émission est disponible en balado-diffusion. Également, on peut télécharger les liens. On peut cliquer sur le lien, voilà, pour le téléchargement gratuit des suggestions de Simon. Également, la revue de presse des communiqués. Et si vous avez envie de nous donner des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. On se trouve aisément avec l'aérospatiale. Voilà. On se tourne vers le musée de la civilisation qui, lui, se tourne vers Haïti en présentant l'exposition Haïti in extremis. Ça fait quand même un petit temps qu'elle est commencée, mais on en parle maintenant à l'aérospatiale pour en discuter. Lydia Bouchard, conservatrice au musée de la civilisation. Bonsoir. Bonsoir. Haïti in extremis, hein, c'est quand même une exposition, comment dire, on s'attendait pas nécessairement à ça. D'où vient un peu le projet d'exposition? L'idée de faire une exposition sur Haïti date de quelques années. C'était dans les cartons de notre directeur général, étant donné qu'Haïti fait partie de la francophonie des Amériques, étant donné que la communauté haïtienne est une communauté culturelle importante au Québec. Et puis, voilà que le Fowler Museum présentait l'année dernière une exposition d'art contemporain haïtien qui avait comme toile de fond les catastrophes naturelles, la difficulté des conditions de vie en Haïti. Et le musée de la civilisation trouvait que c'était vraiment pertinent de présenter ça chez nous. Ben c'était une façon, finalement, que la création artistique devient un angle de vue pour parler de cette culture qui est très riche. Plutôt que d'utiliser les arts plus traditionnels, tels qu'on le verrait dans une exposition plus typique, par exemple, orientée sur Haïti. D'ailleurs, c'est la production, je crois, des 10 dernières années de... Oui, c'est vraiment des œuvres récentes, quoique quelques œuvres qui remontent de la deuxième moitié du 20e siècle, là, pour mettre un peu en contexte, mais c'est essentiellement des œuvres très récentes. Et qu'est-ce qui vous a marqué, vous, Lydia Bouchard, en voyant cette exposition-là pour la première fois? Quel regard vous avez porté, soit sur Haïti ou sur l'art actuel haïtien? Je pense que les œuvres qui sont les plus frappantes sont celles qui sont au cœur de l'exposition, au cœur conceptuel, je dirais, et également au cœur physique. Ce sont les œuvres des artistes résistants, qu'on appelle les artistes de la Grand-Rue. Ce sont des artistes autodidactes qui habitent donc la Grand-Rue, c'est-à-dire c'est un bidonville qui est situé le long de l'artère principale, là, c'est pour ça qu'il s'appelle... À Port-au-Prince. Exactement, à Port-au-Prince. Et donc, ils travaillent avec toutes sortes de matériaux de récupération. Ils se servent dans les cours à ferraille, à proximité d'où ils habitent. Donc, ils utilisent des carcasses de voitures, des rebuts électroniques. Ils vont même, à l'occasion, chercher des crânes dans le cimetière. Et Oui, non, c'est ça. Pour nous, c'est très surprenant, là. Tandis que pour eux, qui sont vaudouisants, ça pose aucun problème éthique, là. Au contraire, c'est une façon de redonner vie, si on veut, à ces ossements. Mais donc, les artistes résistants, quand on pense à leurs fondateurs, ce sont Seller, André-Eugène, aussi Guillaudeau, font des œuvres extrêmement expressives. Dans l'exposition, on en a plusieurs qui sont des représentations de Guédé. Les Guédés qui sont... Oui, peut-être à nous expliquer, parce qu'on connaît la culture vaudou, là, comme ça, de non, on s'imagine toute la poupée avec l'aiguille. J'ai appris que non, c'est pas le cas. Ça mais tu vois, c'est la seule image là, qu'on a de la culture vaudou. Mais donc, les Guédés, ce sont les esprits divins qui sont reliés à la mort et à la régénérescence. Et ce qui est intéressant, justement, ce qui revient partout dans l'exposition, c'est ce lien indissociable entre la mort et la vie, et qui forme un cycle, hein, vraiment, dans la culture haïtienne. Et dans les représentations des Guédés faites par les artistes résistants, ben les attributs sont exacerbés, si on veut, puisque notamment le phallus là, qui est comme surdimensionné, qui représente la vie, la régénérescence, et le crâne humain qui représente la mort, évidemment. Et en fait, je vous parlais de vie et de mort. Moi, j'ai trouvé, malgré parfois la lourdeur, hein, quand même, le tremblement de terre qui a eu lieu, là, c'est une catastrophe vraiment incommensurable, mais j'ai trouvé qu'on sentait une résilience du peuple haïtien, puis une célébration malgré tout de la vie, soit par la couleur, par, oui, par une certaine, même parfois une naïveté qu'on peut voir dans les œuvres. Oui, c'est ce que dit, je pense, avec éloquence, la première œuvre de l'exposition, qui est une grande tapisserie de Mirlande Constant qui mesure à peu près 2 mètres par 2 mètres. C'est un témoignage du tremblement de terre de 2010, donc, hein, qui a tué d'un coup 250 000 personnes. Donc, c'est une œuvre qui est très figurative, qui dépeint les morts, les gens à qui on essaie de donner une sépulture. On voit d'autres personnes qui expriment le désespoir. Puis, en même temps, c'est une œuvre qui est très colorée. C'est une œuvre perlée, pailletée. Elle est très brillante. Le jaune de mine, ouais, du rouge. C'est de la broderie, là, précisant, de petites perles, oui, on voit parfois là, des oui, colliers. Là. C'est une œuvre perlée, puis aussi pailletée. Voilà. Mais c'est fascinant quand même, ce travail-là. Là, pour l'ampleur de cette œuvre-là, là, c'est oui, quand même... Je veux dire, on peut pas s'empêcher d'être ébloui là, devant la maîtrise technique puis le travail qui a été oui, a été accompli. Oui, on parle d'une dizaine de personnes qui ont travaillé pendant 5 mois pour réaliser cette œuvre-là. Ah ouais? Oui. Quand même, donc le grand atelier presque, oui, autour de ça. D'ailleurs, cette œuvre-là, donc, perlée, on en voit d'autres, hein, des œuvres perlées, on appelle ça des drapeaux. Oui. Et ça, c'est encore là, très près de la culture vaudou, qui est vraiment là, omniprésente et qui est un peu latente là, oui, dans toute l'exposition. Effectivement, puisque le drapeau vaudou, c'est un drapeau qui orne les temples vaudou, un peu comme nous, bon, on a notre tradition de vitraux, bon, eux ont la tradition de drapeaux, qui, aujourd'hui, les drapeaux sortent des temples vaudou, puisqu'il y a une demande des collectionneurs pour en acquérir. Puis il y a des artistes comme Mirlande Constant et d'autres, David Boyer, par exemple, Dubrius Lérisson, qui, aujourd'hui, ont transformé, si on veut, cette tradition du drapeau vaudou en forme d'art contemporain. Donc, il y a une réactualisation des traditions. On le voit aussi, là, d'ailleurs, je pense qu'il y a une vitrine là, qui est consacrée aux objets vaudous qui sont maintenant, oui, vendus oui, comme œuvres d'art. Des objets rituels, des bouteilles encore là perlées. Il y a beaucoup de têtes de poupées intégrées à ces objets-là. Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Hein, quand on pense au vaudou, tout de suite, on a le stéréotype de la poupée transpercée d'épingle, mais cette poupée-là n'existe pas. Ouais. Dans c'est le vaudou. C'est exactement une invention hollywoodienne. Non, la poupée vaudou, c'est une tête de poupée commerciale là, qu'on récupère pour l'intégrer à un objet rituel. Puis c'est très intéressant puisqu'un artiste québécois d'origine haïtienne qui se prénomme ouais, Manuel Mathieu, lui... a façonné une tête de poupée vaudou surdimensionnée, hein, qu'il porte dans différents lieux, parce que le vaudou ne fait pas partie de son bagage à lui, mais comme il est d'origine haïtienne, on lui parle tout le temps du vaudou, ah ouais, la poupée okay, vaudou, puis c'est dit, bon, mais coudon, je vais explorer cet héritage que je porte malgré moi. Donc, sa poupée, c'est très intéressant, sa tête de poupée, pardon, il l'a portée à Port-au-Prince l'été dernier, et il s'est photographié dans différents lieux public et privé, et ce faisant, il déconstruit le stéréotype puisque sa poupée ne s'intègre dans aucun environnement. Ah ouais, donc... Puis je pense qu'il continue sa réflexion, il me semble, là, oui, de oui, ce que je disais. C'est avec fierté que je veux dire que le Musée de la civilisation a acquis Spooky, ah ouais, puisque c'est le nom de cette œuvre. Oui, et on a également acquis 2 autres œuvres d'artistes québécois. Et d'ailleurs, ces 3 artistes, Manuel Mathieu, Marie-Hélène Covin et Kili, ont été sélectionnés pour une grande expo d'art haïtien qui va être présentée l'automne prochain au Grand Palais à Paris. Ah ouais, ouais, donc voilà, félicitations à eux. Court terme, l'exposition, parce qu'elle se déroule là, jusqu'au 14 août. Donc, ce soir, il me semble, il y a une discussion autour de l'exposition Haïti avec, je vais le dire, Maximilien Laroche, Joël Desrosiers, qui est psychiatre, poète et essayiste, et Emeline Pierre, pardon, qui vont avec Alex Renaud et René Saint-Éloi. Donc c'est ce soir à 18h, à 19h30, pardon, vous avez une heure pour vous y rendre. C'est dans le hall du Musée de la Civilisation. Également, Lydia Bouchard, vous ferez une visite commentée ce jeudi. Le jeudi 13 février à 14h. Ah oui, c'est pas ce jeudi, Dieu, je suis déjà une semaine plus tard. Je me pensais le 11. Oui. Voilà, donc une visite guidée de l'exposition Haïti in Extremis. Oui. Voilà, donc comme je l'ai dit, l'exposition a lieu jusqu'au 14 août. On a le temps, mais quand même, on y va de manière assez pressante. On fait une très courte pause. C'est déjà l'heure de la fin de l'émission. En terminant, je vous invite demain à 18h au Musée national des beaux-arts du Québec. Il y a une conférence de Marc Séguin qui s'intitule « L'art, la créativité et la société ». Et puis vendredi, une exposition que j'attendais quand même pas mal de mon côté, à l'exposition « Oasis » de François Simard et Dan Bro, qui inaugure donc la rentrée hivernale à Regard. Sur ce, je remercie mes invités et collaborateurs. Je remercie Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde. Et encore une fois, je m'en vais à la maison écouter l'émission « Folk d'Amérique » de Gilles Chaumel. Bonne soirée à vous sur les ondes de CKRL.